savants funérailles, des médecins demi-dieux aux produits merveilleux qui nous mènent en corail contre tous les pouvoirs. Eh bien, voilà une période propice, s'il en est, à critiquer les lobbies pharmaceutiques, n'est-ce pas ? Alors moi, pour effleurer le sujet, je vais vous lire un petit article trouvé sur Révolution Permanente. Donc ça s'appelle « Face aux labos pharmaceutiques et leurs lobbies, former des commissions de recherche indépendantes ». Les laboratoires pharmaceutiques figurent parmi les plus grandes multinationales au monde. Leurs chiffres d'affaires sont semblables à ceux des entreprises les plus lucratives, telles que celles de l'industrie pétrolière ou de l'automobile. Ces grands groupes sont bien plus intéressés par leurs profits que par notre santé, et même n'hésitent pas à la mettre en danger si c'est assez rentable. Dans la crise internationale du coronavirus, ils cherchent tous à développer la molécule, le médicament ou le vaccin efficace qui engendrera un chiffre d'affaires conséquent. Pourtant, les coronavirus, terme générique qui désigne les virus transmissibles de l'animal à l'homme, aujourd'hui le Covid-19, sont bien connus des scientifiques. Et ce, particulièrement depuis les ravages du SRAS en 2003. Les scientifiques n'avaient aucun doute, tôt ou tard, un coronavirus d'autant plus mortel ferait son apparition. Les grands laboratoires auraient pu développer des vaccins à ces formes de coronavirus. Mais il n'en est rien, car comme le souligne David Harvey, les grands laboratoires investissent rarement dans la prévention. Ils ont peu d'intérêt à investir pour préparer le système de santé publique à une crise sanitaire. Ils adorent concevoir des cures. Plus nous sommes malades, plus ils gagnent. La prévention ne contribue pas à la valeur actionnariale. Dans les 20 dernières années, ils ont distribué des profits de 1 000 milliards d'euros à leurs actionnaires, dont BlackRock, Vanguard et autres. C'est aussi la période où il y a eu le plus grand nombre de fusions et de rachats. Ainsi, le marché est détenu par 10 puissances pharmaceutiques au niveau international, connues sous la dénomination de Big Pharma. Ces Big Pharma sont Sanofi Aventis, Novartis, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, Eli Lilly, Roche, Abbott, Pfizer, Bristol Myers Squibb et Johnson & Johnson. Cette monopolisation du marché mondial qui a supprimé presque toute concurrence qui ne soit pas de taille face au Big Pharma a permis que les marges explosent. Deux exemples suffisent pour comprendre ce que cela signifie. En 2015, Martin Shkreli, homme d'affaires new-yorkais, achète les droits du Daraprime destiné à traiter la malaria et le VIH. Ce médicament étant classé essentiel par l'OMS, son prix a été multiplié par 55, de $13,50 à $750, par le groupe Turing Pharmaceuticals qui le produisait. Bien sûr, il existe aussi de grands groupes qui ne sont pas dans le top 10 des Big Pharma. Par exemple, le laboratoire américain Gilead produit le Sovaldi, médicament destiné à traiter l'hépatite C. Celui-ci coûte à l'État français 41 000 euros pour 3 mois de traitement, ce qui a obligé la Sécurité sociale à réserver ce médicament qu'à certains patients. Pourtant, les coûts de production sont bien moins importants. Dans Journal of Virus Eradication, publié la semaine dernière, une étude démontre que les essais cliniques sont évalués à 1 dollar et qu'ils pourraient être vendus à leur coût de production. Ainsi, les lois du marché sont faites de spéculation. Cette concentration qui leur confère un pouvoir économique hors norme leur donne également une énorme capacité de lobbying. Selon une étude du CEO, Corporate Europe Observatory, les 10 groupes les plus dépensiers dans l'activité de lobby, pas uniquement les Big Pharma, y investissent plus de 15 millions d'euros par an auprès de l'Union européenne. Ainsi, ces 10 groupes ont plus de 60 représentants influents au Parlement européen. Ils ont par conséquent de l'influence dans les instances sanitaires, sur le ministère de la Santé, dans les commissions de recherche sur le Covid-19, chacun faisant valoir son intérêt et dont les gouvernements sont complices. En effet, les gouvernements successifs ont mené leur politique néolibérale de destruction des services publics qui ont réduit les hôpitaux à des moyens et à des effectifs dérisoires. Bien évidemment, en appliquant l'austérité, les systèmes tels que la sécurité sociale en France sont de plus en plus défaillants, laissant les plus précaires sans possibilité de soins ou de remboursement. par la destruction des services publics, les gouvernements permettent aux investisseurs privés de financer les secteurs de la santé et de la recherche. En outre, si les systèmes de santé sont délabrés dans les pays tels que la France, ils sont quasiment inexistants au privé et réservés à des couches aisées, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, laissant les populations précaires dans des conditions de vie absolument impossibles, d'autant plus en cette période de crise sanitaire. Ces situations sont créées, entre autres, par la monopolisation du marché par les entreprises des puissances impérialistes qui exploitent et assèchent les pays semi-coloniaux. Nous ne pouvons pas laisser plus longtemps la gestion de cette crise aux capitalistes, car leurs profits ne vivent que par la mort de millions de travailleurs-travailleuses en première ligne du virus. Seule la nationalisation de toute l'industrie pharmaceutique et également de tout le système de santé sous contrôle des travailleurs-travailleuses et des usagers-usagères pourrait garantir à l'ensemble de la population en France et à l'international l'accès à des soins, des médicaments d'une grande qualité et pas chère, gratuits pour ceux qui relèvent du service public. Cela permettrait notamment le déploiement de campagnes de tests massives sur le coronavirus, de produire tout le matériel dont les hôpitaux ont besoin, dont des masques et des respirateurs. La mise en commun de toutes les capacités de recherche à l'international avec l'objectif de garantir la santé des populations et non les profits des actionnaires pourrait être une alternative véritable à la crise sanitaire. Nous revendiquons la constitution de commissions de recherche indépendantes de l'État et de toutes ses institutions, de tout intérêt privé. Les travailleurs-travailleuses en première ligne dans les hôpitaux sont celles et ceux qui connaissent le mieux les besoins du terrain, et la gestion de la crise par les gouvernements démontre leur incapacité à subvenir aux besoins de l'ensemble de la population, jusqu'à mener des politiques criminelles qui mettent la vie de millions de travailleuses en danger. Ce sont les travailleuses aussi qui ont les connaissances sur les traitements et la prise en charge des patients. Une collaboration étroite pourrait se mettre en place entre les travailleurs-travailleuses des hôpitaux, les étudiants-étudiantes en médecine, en pharmacologie, les travailleurs-travailleuses de laboratoire, ainsi que les ouvriers-ouvrières des usines de fabrication de médicaments et de matériel sanitaire. Ce n'est qu'ainsi, par l'organisation démocratique des bases de la société, quant aux décisions et aux mesures sanitaires, par le contrôle ouvrier des travailleuses sur leurs moyens de production, que nous trouverons une sortie progressiste à la crise. Voilà. C'était le point de vue de Révolution Permanente. Ça reste une façon de gouverner, quoi. Mais c'est pas faux, tout de même. Contre tous les pouvoirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient bleus, rouges ou roses, ou de toutes les couleurs, qui se disent d'ailleurs qu'ils gouvernent ou s'opposent, contre tous les pouvoirs, du grand jour, du grand soir, qu'ils soient démocratiques, royalistes, impériales, ou qu'ils soient syndicales, commerciales, politiques, contre tous les pouvoirs, même ceux du foutoir, civils ou militaires, ramollis, exaltés, qui viennent de la cité, ou qui viennent de la terre, contre tous les pouvoirs, même si par désespoir ils deviennent modestes, qu'ils veuillent pour subsister nous dire qu'il va changer, qu'il retourne sa veste, contre tous les pouvoirs, qu'ils disent venez y voir, qu'ils ouvrent grand ses grilles, ou qu'ils soient de secret, qu'ils ne soient pas ce qu'il paraît, qu'ils soient car pour enquille, contre tous les pouvoirs, nostalgique ou d'espoir, religieux qui contemplent l'autre monde d'ici et nous tiennent à merci, des marchands de leur temple, contre tous les pouvoirs, des collaboratoires, des savants funérailles, des médecins de milieu, aux produits merveilleux qui nous mènent en corail, contre tous les pouvoirs, des salons, des couloirs, aux clins d'œil sympathiques, aux charmes nonchalants, des gangsters en gants blancs, à l'œil informatique, contre tous les pouvoirs, des parfaits laminoirs, aux douceurs infernales, aux mâchoires de poids, qui digèrent les états, ces multinationales, contre tous les pouvoirs, des parloirs, des gueuloirs, des oiseaux de ramage, journalistes, avocats, au pouvoir qui ne va qu'avec quelques chantages, contre tous les pouvoirs, des baudruches de la gloire, des chanteurs, des artistes, au pouvoir des médias, qui a eu et a Dior, joue aux équilibristes contre tous les pouvoirs, les terroirs, des trottoirs, car sitôt qu'un esclave est devenu le roi, c'est pareil chaque fois, dans le sang et une lueur, contre tous les pouvoirs, à part les provisoires, qui du pouvoir abdiquent, et qui sont rotatifs, ou bien décoratifs, et vive la République.